se laisse faire. Chez les mammifères, cette intervention provoque un état. L'espèce humaine mérite peut-être d'être exterminée. Une espèce en voie d'extinction, elle détruit son espace et sans exception. L'homme, ce tueur sans regret, l'homme, cette lueur cernée de près, approche à venir souffler par la puissance des vents, des bombes atomiques et jouer sur l'Orient, des tombes astronomiques fleurissant les plaines, des terres dévastées par la puissance des haines. La loi du plus fort s'accentue chaque jour, la foi des fidèles sous écrou sans verrou, estompée par l'envie. La vie fuit son trou, le vice fait son trou, l'amour mis au four. Depuis qu'il est gelé, la femme, sa femme, l'effroi s'installe chez l'homme jusqu'à pas sa femme. Quand l'homme n'a plus de limites, frénétique prêt à tout, l'instinct bestial ressurgit, tard génétique sans atout. Militant de l'entraide, connerie culminante, y'a qu'une descente raide aux enfers imminentes. Y'a pas d'autre issue, la merde nous draine, on tombe tous dans le fond, les nerfs nous engrainent. Dans la corruption des esprits, le mal nous enchaîne. L'idée dominée envahie, elle germe comme une graine. Tandis que les guerres de bourgeois pour jeunes, d'après eux, sur terre y'a trop d'hommes. Ils s'informent de nouvelles façons de façonner la nature. À leur image est créé de nouveaux virus trop matures. Trauma, là, il devient incontrôlable. Il s'échappe d'Afrique et tue 55 millions de personnes, moi je vous le dis. La prochaine porte de sortie pour l'homme, c'est la mort assurée sans profit. Sa fin se profile dans le chaos et la honte. Les gens meurent pendant que l'État et la bourse font les comptes. Y'a pas d'autre porte de sortie, ici y'a qu'une seule issue. Y'a que la mort d'assortie, la fin sera voilée dans le tissu. L'horreur que la connerie nous pervertit au fond du gouffre. Les bouffonneries du cœur nous enfoncent profond dans le souffle. Y'a pas d'autre porte de sortie, ici y'a qu'une seule issue. Y'a que la mort d'assortie, la fin sera voilée dans le tissu. L'horreur que la connerie nous pervertit au fond du gouffre. Les bouffonneries du cœur nous enfoncent profond dans le souffle. Je suis de cette espèce dont on parlera bientôt. Pas assez simple car je suis trop vénal et pas assez humble. Je laisse mes empreintes sur chaque terre de ces continents. Le diable est mon confident dans ces guerres que je continue de déclarer à mes frères que je pense être mes ennemis, alors qu'ils ne sont que le reflet de mon miroir. Je suis des gens qui sans cesse sur la haine mise et qui s'empressent de sortir le gun du tiroir. Pourquoi me fustiger, je n'ai pas à me justifier. Je suis un homme, c'est un fait, il faut justifier. Pourquoi me crucifier, c'est ainsi qu'on vit ici bas. Le mal nous a dissipé, je ne fais que participer. La paix est trop fragile, alors le sang est propagé. Nos armes sont trop agiles, alors le temps est saccagé. Rien ne s'assagit, et j'aime en profiter pour établir un nouvel ordre mondial d'atrocité. Y'a pas de porte de sortie, cherche pas à ressusciter les anges, leurs tombeaux sont recouverts d'orties. Et si tu penses qu'à ce jour rien n'est joué, c'est que t'as au moins l'espoir de bien échouer. Et de sauver ton honneur, mais tu finiras naufragé au bord de la mer. Observant un coucher de soleil nauséabond et amer. Tu traînes tes péchés sur la plage comme un oiseau mazouté. Tu voudrais te repentir car ta conscience te fait douter. Voilà mon quotidien, rythmé par des effusions de sang, de tragédie entre chaque méridien. Le mur s'approche très vite, paraît-il. Une lueur blanchâtre m'éblouit, puis brûle ma rétine. Y'a pas d'autre porte de sortie, ici y'a qu'une seule issue. Y'a que la mort d'assortie, la fin sera voilée dans le tissu. L'horreur que la connerie nous pervertit au fond du gouffre. Les bouffonneries du cœur nous enfoncent profond dans le souffle. Y'a pas d'autre porte de sortie, ici y'a qu'une seule issue. Y'a que la mort d'assortie, la fin sera voilée dans le tissu. L'horreur que la connerie nous pervertit au fond du gouffre. Les bouffonneries du cœur nous enfoncent profond dans le souffle. De toute façon on est tous condamnés. Un jour ou l'autre on finira par faner. L'homme ne fait qu'avancer cet ultimatum en maintenant son doigt sur ses hématomes. Du plus puissant au plus misérable, tous animés d'une haine viscérale. Il est temps que l'humanité enfile son noir costume, qu'elle se résigne à se viser de désespoir. Y'a pas de porte de sortie, ici y'a qu'une seule issue. Y'a que la mort d'assortie, la fin sera voilée dans le tissu. L'horreur que la connerie nous pervertit au fond du gouffre. Les bouffonneries du cœur nous enfoncent profond en souffle. Y'a pas de porte de sortie, ici y'a qu'une seule issue. Y'a que la mort d'assortie, la fin sera voilée dans le tissu. L'horreur que la connerie nous pervertit au fond du gouffre. Les bouffonneries du cœur nous enfoncent profond en souffle. Quand tout fut terminé, Einstein a déclaré « Seules deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. » Je ne suis pas catégorique pour l'univers.